Lettre 50e, Agathoclès à Phocion, Samosata, septembre 302. L'orage a cessé, mon âme est tranquille, et je renais à mes anciennes sensations. Mon séjour à Nicomédie, la pompe, l'éclat, les séductions qui m'ont entouré, ne me paraissent plus qu'un songe d'une nuit d'été. L'impression qui m'en était restée a disparu insensiblement. L'enchantement a fini, mon esprit a repris sa clarté, et mon cœur tous ses regrets. Non, ce n'est pas un tel amour qui peut me rendre heureux. Hélas, celle qui portait dans son cœur les véritables sentiments nécessaires à mon existence dort sous la colline de Trachène et ne se réveillera plus. Elle ne m'aurait point donné de fête, elle n'aurait pas abrégé le temps de notre entrevue par un spectacle où ses talents et sa beauté remportaient le prix. Larissa n'aurait pensé qu'à mes dangers, elle aurait voulu en savoir jusqu'au moindre détail. Elle aurait plutôt partagé mes peines que ma gloire, elle m'aurait aimé, et Calpurnie n'a voulu que m'éblouir et m'enchaîner. Elle y avait presque réussi, et je n'étais plus à moi-même, mais elle. Une heure après, tout oublié, ou du moins en avoir l'air, n'attachait aucune valeur à l'effet qu'elle s'est donné tant de peine à produire. Ah, si ce qui l'entraînait à s'oublier elle-même, et à montrer son cœur si fort à découvert avait été de l'amour, comment aurait-elle pu rester froide à la vue de mon trouble, de mon attendrissement? Après une fête aussi significative, n'aurait-elle plus été qu'une femme aimable et gaie? Non, c'était vanité, pure vanité, elle voulait seulement faire sur moi un effet irrésistible, sans partager un instant les sentiments qu'elle excitait. Que son image me paraît froide et petite, et sa beauté peu dangereuse. Laisse-moi me taire là-dessus, je rougis d'avoir été fasciné un moment. L'ami de la céleste Larissa devait être à l'abri d'un tel danger. Tu parais, mon cher Phocion, ne pas approuver mes idées sur le christianisme, et moi encore mon dessein d'embrasser cette religion. Il est difficile d'épuiser dans une correspondance tout ce qu'on peut dire pour ou contre dans une affaire aussi importante. Je vais donc me borner à réfuter quelques-unes de tes observations. D'après les traditions, nous voyons que le chef de cette secte eut le même sort que Socrate, Pythagore et tous les principaux fondateurs de sectes et de dogmes. Il nous reste peu de choses de ceci. Tout ce qui nous est parvenu sur les ailes du temps, ce sont des maximes partielles, sorties de leur bouche ou de celles de leurs disciples, conservées par des personnes éloignées, rarement par leurs contemporains ou par des témoins oculaires. Au lieu que les chrétiens ont conservé dans leur évangile une grande quantité de faits, de citations, d'instructions, de pensées de leur maître, toujours d'accord, toujours se soutenant mutuellement et formant un corps de doctrine invariable. Ils ont recueilli toute sa biographie, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Si nous donnons foi aux historiens en général, pourquoi refuserions-nous de croire au rapport de ces historiens simples, sans prétention, qui racontent ce dont ils ont été les témoins oculaires, et ne mettent dans leur récit ni assez d'art, ni assez d'éloquence pour qu'on puisse leur supposer l'intention de tromper. S'ils avaient eu ce projet, leurs antagonistes auraient peut-être moins de choses à leur objecter, et leur édifice, bâti comme ils l'auraient voulu, aurait en apparence moins de côtés faibles. Ils se seraient concertés pour qu'il n'y eût pas la moindre différence dans les narrations, et cette différence, qui ne porte point sur les faits principaux et qui ne consiste que dans la manière dont le même événement se montre à plusieurs personnes et dans la circonstance qui fait plus ou moins d'impression, est, à mon avis, une des plus grandes preuves de la vérité de leur récit. Les apôtres virent agir leur divin maître. Ils furent témoins de la sainteté de sa vie, de la pureté de sa doctrine et de ses mœurs, de ses souffrances, de sa mort, de sa résurrection. Chacun dit ce qu'il avait vu, ce qu'il avait le plus frappé, sans y mettre ni art ni adresse, et convaincus d'avance que les ennemis de leur divin maître nieraient et dénatureraient ces faits, et qu'ils seraient aussi victimes de leurs croyances, cette conviction ne les a point retenus de dire ce qu'ils savaient en conscience d'être vrai, sans s'embarrasser des dérisions des incrédules, ni des critiques tranchantes des savants. Je ne puis rien te dire des miracles, plusieurs peuvent s'expliquer, le plus grand de tous, la naissance et la nature du fondateur, est au-dessus de notre intelligence. Mais combien n'y a-t-il pas de choses incompréhensibles dans le monde physique et moral que nous ne nions point et dont nous sentons les effets sans pouvoir les expliquer ni les comprendre? L'esprit de l'homme se fatigue à vouloir attribuer ces choses à telle hypothèse, à telle règle. Chacun a là-dessus son système. la nature marche en avant, suivant les ordres et le but auquel elle est soumise, et sans dévoiler les mystères dont la découverte est inutile. Croyons-nous moins à l'existence des vents, du tonnerre, des tremblements de terre, des volcans, parce que nous ignorons d'où ils viennent? Est-ce que nous cherchons moins à nous en préserver parce que nous en ignorons les causes? Le doute dans lequel nous sommes ne change en rien les précautions que nous prenons. Le vrai chrétien agit de même. Ce qui est utile pour notre vie, ce qui rend meilleur, ce qui procure la paix de l'âme et ce qui peut nous donner un bonheur éternel, voilà quels sont les effets de cette doctrine. Il la suit, il en sent l'utilité, et sans s'inquiéter en pénétrer les mystères, il croit des faits dont le résultat a de si grands avantages. Je t'ai déjà écrit bien des choses sur la morale chrétienne. Je suis persuadé que c'est la plus belle, la plus pure qu'on ait enseignée aux hommes. Elle est absolument basée sur le siècle présent, sur les progrès de la civilisation et sur les rapports des hommes les uns envers les autres. Cela seul suffirait pour nous faire reconnaître son émanation divine. La sagesse éternelle, qui dirige le sort des mortels, sait seule quand et comment elle doit venir au secours de leur faiblesse et les préserver du mal. C'est dans ce but qu'elle lui donna cette sainte religion enseignée par son Fils. Nous a-t-il permis de trouver ce mystère extraordinaire, nous qui avons été élevés au milieu de héros, de dieux, de demi-dieux, qui sauvaient les hommes de la misère, qui délivraient la terre de monstres et qui adoucissaient la colère des dieux? Est-ce que l'idée d'un dieu unique est plus repoussante que celle d'une multitude de dieux ou de déesses qui s'augmente chaque jour au gré des mortels? Où est la religion qui n'a pas eu des mystères et des incarnations d'êtres divins, qui, pour le bonheur de l'humanité, quittait le séjour des dieux et se mêlait parmi les mortels? Ah, cette idée est si sublime, si consolante pour les infortunés. Et, dis-moi, Phocion, existe-t-il ici-bas un seul être qui puisse se dire véritablement heureux? Les lois de la nature, les révolutions physiques se jouent de ses propriétés et de sa vie. Ses prières sont impuissantes, son génie ne saurait arrêter la marche du temps. Est-il vertueux? Il souffre des vices et de la corruption de ses contemporains. Il est puni parce qu'un insensé se livre à la débauche, parce qu'un fou veut l'impossible, parce qu'un tyran est investi du pouvoir, parce que des myriades de ses frères tombent sur le champ de bataille. Et s'il est poursuivi par les remords, où se retirera-t-il? Vers cette puissance invisible, plus forte que la nature et que les méchants. Elle lui envoie un sauveur. Et le malheur et le vice ne peuvent plus rien contre lui qui l'embrasse avec foi et confiance. Des torrents de sang ont inondé les plaines de Pharsale, des Gaules, de la Syrie et de toutes les provinces romaines. Des millions d'hommes ont été sacrifiés à l'envie et à la jalousie des triumvirs, à la fureur des prétoriens, à la cruauté d'un Tibère, aux infâmes débauches d'un Néron et d'un Caligula. Et si 10 000 périssent, il y en a 4 fois plus qui les pleurent et qui perdent en eux leur appui et leur bonheur. La ruine menace de toutes parts le colosse immense de l'Empire romain. De tous côtés on entend les éclats de cet édifice usé. Les colonnes sont ébranlées, les fondements sont détruits, et des hordes de barbares du Nord et de l'Orient s'avancent avec des forces formidables pour tomber sur ces murs affaiblis qu'ils auront bientôt renversés. Et ce beau pays deviendra la proie des flammes et du pillage. Que restera-t-il alors au genre humain? Est-ce que ces trompeuses images, fruits de son imagination déréglée, viendront à son secours? L'idolâtrie, qui donne la main à l'incrédulité, lui donnera-t-elle du courage et des consolations lorsque son bonheur sera détruit et ses temples renversés? Trouvera-t-il quelque appui dans ses statues, objets de son culte insensé? Sont-ce les magiciennes de la Thessalie ou les pythonisses qu'ils relèveront par leurs enchantements qui apaiseront la colère des dieux? Et lorsqu'il faudra quitter cette vallée de misère, descendra-t-il avec joie ou résignation dans la demeure obscure de la mort et de la destruction? L'expérience nous apprend que la religion païenne n'a aucun pouvoir pour comprimer le vice et les maux qui viennent à sa suite et qui s'augmentent chaque jour. L'humanité doit renaître à la vie par une religion qui lui enseigne à opposer au vice la morale la plus sévère, à l'égoïsme l'amour du prochain, au désespoir une entière confiance, à l'incrédulité une foi vive et complète. Cette religion, c'est le christianisme. C'est celle qui donne, pour première maxime, d'aimer Dieu par-dessus tout, et son prochain comme soi-même, qui renferme tout ce qu'un vrai philanthrope peut désirer. Mais je m'aperçois que ma lettre est devenue une longue dissertation. ne te formalise pas de ce que j'aime à soumettre à ton jugement et mes principes à mes actions. Adieu, jusqu'au moment où j'aurai le temps de t'en dire davantage.